L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018 ou polaire3.com. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, au 418-276-2108. Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment unique pour passer du temps avec nos proches. Profitez-en pour vous ressourcer et n'oubliez pas d'encourager nos commerçants locaux pour vos achats. Joyeuses fêtes et bonne année 2022. On va parler de NFL ce samedi matin avec Tony Guzzo. Salut Tony. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Tony. Évidemment, la grosse nouvelle qui a fait parler beaucoup au cours de la dernière semaine, c'est... C'est Urban Meyer. Quel désastre, Urban Meyer. Écoute, moi, là, je suis déçu pour les partisans des Jaguars. J'en connais un, Alexandre Gauthier, mon chum, puis qui a été premier chroniqueur de la NFL à Dan Radio Sport. Oui. Je vais te dire en affaire, lui, c'en était un des seuls qui était partisan, un des seuls que je connais. Puis il y avait de quoi à être optimiste au début de la saison. T'avais Trevor Lawrence, t'avais le porteur de ballon, c'est Fournette, c'est ça? Non, c'est pas Fournette. Travis Etienne. Qui a battu les records du SEC. Oui. Après ça, on voyait... Une équipe jeune. On voyait au moins la lumière au bout du tunnel. Puis là, quel désastre! C'est la question qu'on se pose. Heureusement, je pense que ça va sauver la carrière de Trevor Lawrence, ce congédiement-là. Parce qu'après... Ça aurait été dangereux pour Trevor Lawrence si ça aurait continué. Ben, on commençait à le voir déjà là, après 13 matchs, 13 semaines. C'est vraiment déçu. Puis, comme je l'ai mentionné, les gens qui me suivent un peu partout, on avait l'espoir avec Urban Meyer. On pensait que... Moi, j'avais un feeling, c'était comme un peu comme Kingsbury puis les Cards. Là. Une question de 2-3 ans. Puis là, dans 2-3 ans, on aurait parlé des Jaguars dans une course aux éliminatoires. Ah ouais. On s'est dit c'est un coach parfait. Là. Je veux pas dire la perfection, mais un coach qui avait le potentiel pour développer un Trevor Lawrence. Mais Trevor Lawrence, là, il a connu des hauts et des bas, puis c'est vraiment de l'encadrement parce que là, à un moment donné, on se pose la question. Même Lawrence se fait dire est-ce que c'est lui ou c'est le coaching? Mais là, on va voir. Mais j'ai hâte de voir. Je sais pas si t'as. Moi, j'ai entendu un beau nom pour le futur à Jacksonville. Qui? Doug Peterson. Ben, c'est ça qu'Alexandre me dit aussi, Doug Peterson, ouais. qui pourrait être... Moi, j'avais parlé de Byron Lefwich, qui est le coordinateur à la défense, qui aurait pu être un nom intéressant aussi. Ouais, mais ça prend, je pense que là, dans cette situation ici, ça prend un coach qui a coaché la NFL. Le gars, là, faut pas s'en cacher, Doug Peterson, là, il a gagné, il a battu tes Pats, là, au Super Bowl, là, ouais, tu veux dire... Avec un corps substitut, Nick Foles, en plus. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, il se passe de quoi. On voit que la durée de vie des coachs est plus ou moins 3 à 5 ans, dépendamment du programme puis le joueur que tu as. Mais un gars comme Doug Peterson, je pense qu'on peut y donner la chance. Puis c'est un ancien corps arrière, si je me souviens bien aussi. Ouais. Là. Ouais. Donc, il a joué en plus. Mais ça prend un coach de la NFL qui a coaché la NFL parce que il y en a des bons, tu sais, Byron Leftwich, même un bien-aimé à Kansas City, mais je pense que, en tout cas, c'est vraiment un désastre. C'est vraiment décevant, mais l'individu n'a pas aidé. Puis je me demande jusqu'à quel point je pense que ce gars-là va falloir qu'il prenne au moins un break en dehors des caméras pour les 2-3 prochaines années. Mais c'est parce lui qui est un commentateur à ESPN avant, je pense, hein? À Fox au niveau NCAA, qui était très, très bon. Il était très, très bon. Mais j'ai su de quoi, Danny. Tu me l'as dit en dehors des ondes. Oui, puis il y a une deuxième chose. Après ça, je vais te dire qu'est-ce que j'ai dit en hors d'onde. C'est que J'ai su que ce gars-là, là, il a eu une job de la NFL, mais il n'a jamais suivi la NFL parce qu'il passait tellement de temps dans les vidéos pour ses universités. Je peux pas croire qu'un propriétaire ou des consultants, des conseillers qui engagent ce monde-là, tu sais, faut que tu regardes la game, faut que tu t'adaptes. La NCAA, c'est pas la NFL. Tu sais, Mike McCarthy, là, tu sais, on va dire des choses aussi. Ouais. Mike McCarthy, il a eu un an de break, mais il a toujours continué à regarder les vidéos. Il a comme préparé un genre de stratégie envers lui-même parce que dans ces entrevues-là, tu y vas vraiment technique. Puis je pense que ça a été un coup de cœur, on va dire, où le propriétaire voulait tellement avoir un nom que... Mais le gars, il n'a jamais été préparé. Puis là, tu le regardes d'aller, je me demande... En tout cas, ça revient à qu'est-ce que je vais dire, parce que le gars, il a signé pour 4-5 ans, à peu près 50 millions de dollars. Et là, dans les dernières 24 heures, les Jaguars ont dit qu'ils ne paieront pas le reste de son contrat parce qu'ils l'ont congédié pour cause. Ouais, okay. Donc ça, c'est assez sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Danny? C'est que, éventuellement, ça va sortir. Si jamais... Ça va sortir, là. Ça va sortir tout ce qui s'est passé, parce que si Urban Meyer veut avoir de l'argent, ben là, ils vont aller au niveau juridique, puis là, tout va sortir, puis là, on va avoir vraiment des, comme on dit en bon show business, des détails croustillants de ce qui s'est passé, parce que les Jaguars, ça va se rendre public, là. Les Jaguars, il va falloir qu'ils démontrent qu'ils l'ont congédié pour cause, donc non seulement qu'il a frappé, parce que cette semaine, il a donné un coup de pied à un ancien batteur. Là. C'est sûr que c'était pas un gros coup de pied. Mais en tout cas, il commence bien mal, notre Meyer. Puis je pense qu'il va avoir seulement un salaire de maximum peut-être un an. Là. Mais il faudrait pas qu'on lui donne 40 autres millions, ce gars-là, pour rester à la maison. Est-ce qu'il va brûler? C'était déjà pas facile pour les entraîneurs de la NCAA de passer de la NCAA à la NFL. Il n'y avait pas des grosses histoires, des histoires intéressantes, là. Non, ben c'est ça. Puis là, est-ce qu'il va brûler le... Il va avoir des doutes. Il va avoir des doutes parce que dans toute cette situation-là, comme j'ai mentionné tantôt, si le coach n'a même pas regardé la vidéo, il va falloir que les entrevues soient un peu plus détaillées, plus approfondies au niveau des techniques, tu sais, en voulant dire, comme le prochain coach, là, c'est simple. Là. La grosse question, ça va durer pendant 2-3 entrevues, là, 2-3 jours, là, c'est comment tu vas développer Trevor Lawrence. C'est ça qui va arriver. Parce que Trevor Lawrence aurait été dangereux. Je pense que ça aurait été dangereux pour sa carrière si ça aurait continué demain. Ben, ça paraissait déjà dans son attitude non-verbale parce que c'est ça qu'on se demandait. Puis moi, ça fait une couple de semaines que je demande à mes collaborateurs, c'est-tu Trevor Lawrence ou c'est le coaching. C'est sûr, ça prend un mélange des deux. On a vu que Trevor Lawrence a un certain potentiel, mais le meilleur exemple qu'on peut comparer, puis c'est ça qui va arriver, c'est Mac Jones et Bill Belichick. Là, même, tu sais, Zach Wilson, tu sais, je veux dire, là, aux Jets, là, Robert Saleh, ça marche pas, là. Alors, on a parlé, comment il s'appelait le corps? Mike Thomas, le corps qui était bon, là, pendant un match, 400 verges, là, c'est Mike Thomas, qui s'appelait le corps, qui était très bon, là. Le backup. Le backup qui a été très bon, c'est... On va le sortir, là. Le backup de Lawrence, là? Ouais, le backup de Zach Wilson avec les Jets. Oui, c'est ça. C'est Mike... je vais le sortir, ce sera pas long, là. On n'a plus de mémoire qu'avant, hein. C'est Mike White, c'est pas Mike... C'est Mike White. Il fait un match de 400 verges, il n'a pas été mauvais dans le deuxième match avant d'être blessé. Ça aurait été quoi de qu'est-ce que ça protéger Zach Wilson? Là? Ouais, mais il a joué après puis s'est blessé aussi, Danny. Ouais. Puis là, c'est ça que les gens vont falloir qu'ils comprennent. Là. La NCAA, c'est une méchante. Il y a une méchante étape, il y a une méchante marche entre la NCAA et la NFL parce que t'as-tu vu toute l'équipe d'entraîneurs qu'il y a dans une équipe NFL? Là? Tu sais, Mike White, là, quand il a lancé ses 400 verges, là, on ne savait pas. Quand c'est nouveau. Tu sais, les premières semaines de la NFL, c'est toujours difficile à prédire qu'est-ce qui se passe. Mais après ça, là, on attaque, ils passent des 24 heures sur 24 à regarder les vidéos, puis les équipes adverses sont capables de contrer ces joueurs-là ou ces systèmes-là. Là. Tu sais, là, on le voit, là, on est au mois de décembre. Là, on commence à voir les organisations, les équipes sont capables de contrer et se préparer pour les matchs les plus importants. Ouais. Fait que, non, mais comme tu dis, en tout cas, je suis content pour Trevor Lawrence parce que je commençais, là, moi, là, à avoir été, tu sais, ça se fait pas vite de même en cliquant des doigts, mais le gars, il s'est dit, hey, qu'est-ce que je fais à Jacksonville, là, même, ça, je regrette d'avoir été le premier choix. Puis non seulement ça va douter les futurs coachs de la NCAA, mais même les premiers choix, les joueurs, là, on va commencer à avoir des situations comme Eli Manning ou des John Elway qui vont dire que ça ne me tente pas d'aller là, dans cette équipe-là. Mais non, c'est ça. C'est exactement. Parce que Trevor Lawrence était identifié comme un cas générationnel. Oui. Donc, étant donné, si on brise Lawrence, c'est pas bon pour les mères. Mais tu sais, bref, peu importe. Les cas de COVID maintenant. Tabarouette. Il y a trois matchs déjà d'annulés. J'ai juste. Reporté. J'ai juste hors d'une affaire, OK? T'as-tu déjà vu depuis mars 2020, tous les athlètes dans le sport professionnel, le sport tout inclus, là, ils ont tous pogné la COVID. T'as-tu déjà vu un sur le bord avec des photos malades où on crée pour sa vie? Ben, ça, c'est peut-être calculé, on ne sait pas. Là. Mais tu sais, Cam Newton, il l'avait démontré. Là. Il a été pas mal magané, puis ça a paru l'année passée. Ouais, oui, peut-être. Mais le reste, là. Mais, je sais. Mais il va falloir. Faut apprendre à vivre avec. Ouais, faut apprendre à vivre avec, puis il va falloir que ça soit aussi. Parce que moi, je suis un peu déçu d'Annie dans le sens qu'au début de l'année, on avait dit s'il y avait des cas, tout ça, l'équipe perdrait. Là, on commence à jouer avec le calendrier, puis il y a des équipes qui ne sont pas contentes parce qu'il y a des équipes qui font peut-être un peu plus attention que d'autres. Tu sais, je veux dire, éventuellement, c'est sûr qu'il va falloir qu'on gère ça, la COVID, et ça risque d'être peut-être comme la grippe et tout ça, là, dans le sens que. Ou une gastro. Tu sais, une gastro, là, s'il y a une épidémie, une éclosion de gastro dans un vestiaire. Parce que là, le problème, c'est que, en tout cas, c'est un débat, là, mais là, ils ont reporté, mais je sais pas quoi dire, là, dans le sens que va falloir, là, il y a trois matchs de reporter parce qu'il y a au-dessus de 20 joueurs des Browns, dont Baker Mayfield et aussi Case Keenan. Donc, si le calcul, je pense qu'il joue lundi, le match est reporté à lundi soir à 5 heures de l'après-midi. Ouais. Est-ce que Mayfield, ça risque d'être le troisième quart arrière qui va jouer contre les Raiders. Là. Fait que, Minnesota, il y a deux équipes aussi. Les deux équipes ont au-dessus de 20 cas. C'est les Rams puis Washington. Mais oui, ça veut rien dire, c'est ça. Mais, ça veut rien dire. Sauf que la NFL, comme tu dis, cash. Là. Est-ce que c'est... Parce qu'ils disent pas grand-chose, là. Ils se plaignent pas tant que ça, les équipes, là. Dans un sens. Il y a des joueurs qui disent que... Je sais pas. En tout cas, il y a Coach Stefanski, là, il y a Coach Payton aussi, sera pas là, mais c'est tout un débat. Mais comme tu... Je suis pas mal écœuré de ça. J'ai juste hâte qu'on apprenne à vivre avec ça, simplement. Très, très dommage. On va faire une pause, parce que c'est le temps des fêtes, Tony. Et okay. On revient dans quelques instants. Je vous écoute la chronique de la NFL avec Tony Gougeau. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassini, au numéro de téléphone 418-276-6102. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 418-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux l'équipe et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à tous. toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. Comme Tony, les matchs de la semaine maintenant dans la Ligue nationale de football, il y en a quand même quelques-uns. Donc intéressant, même très intéressant, là, ça commence vraiment à c'est des matchs de division, ça commence vraiment à chauffer. Dès ce soir, je pense que c'est un excellent match entre les Patriots et les Colts. C'est un match important, les Patriots qui luttent pour non seulement pour une place dans les conférences américaines, mais probablement pour avoir l'avantage du terrain. Les Colts sont toujours en pleine lutte pour les éliminatoires. Incroyable tes Patriots, Danny. Ouais. Tu devais être content. Moi, je commence à stresser. Non, ben, les Chiefs sont en feu. Hein. Les Chiefs, c'est l'équipe qui, moi, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Oui, mais on regarde entre les deux équipes rapidement. T'as les Patriots qui sont comme encadrés, structurés. On dirait une chorégraphie dans une danse là, que faut suivre chaque pas comme il faut pour atteindre le résultat. Tandis qu'avec les Chiefs, ça va tout dépendre, tu sais, comme un Patrick Mahomes, il peut comme lancer une mauvaise passe ou une affaire de même. Tandis que Mac Jones, tu sais, Mac Jones est plus précis en ce moment. Il y a des passes, il y a un taux de pourcentage mieux que Patrick Mahomes en ce moment. Donc, mais tes Chiefs ce soir, un gros match intéressant samedi soir entre les Pats et les Colts, les Pats qui vont pour une 8e victoire consécutive. Ouais. Donc, non seulement qu'ils voulaient comme en avant, au début de saison, on dit hey, on va essayer d'avoir une place aux éliminatoires, mais là, ils jouent même pour l'avantage du terrain. C'est sûr qu'ils ont plusieurs scénarios. Là, on commence à expliquer là, comment on assure une place aux éliminatoires. Les Patriots, là, s'ils gagnent ce soir avec des combinaisons de défaites de d'autres équipes, là, ils risquent de peut-être déjà assurer une place aux éliminatoires dès ce soir, dès en fin de semaine. Mais gros match, mais ils ont vraiment un gros défi ce soir contre le porteur de ballon, Jonathan Taylor. Lui est en feu, puis c'est grâce à lui que les Pats sont là en ce moment. Ils ont gagné quand même 4 de leurs 7 derniers matchs. Tu parles des Colts, tu veux dire des Colts? Les Colts, excuse-moi. Donc, Jonathan Taylor, on voit qu'un corps comme Carson Wentz pour les Colts a besoin de balancer, d'équilibrer le jeu avec un jeu au sol. Donc, Jonathan Taylor aide énormément Carson Wentz parce que quand on laisse le ballon tout seul à Carson Wentz, il est un peu erratique des fois, puis il force beaucoup le jeu. Donc, ça va être très intéressant dès ce soir. Ça va faire du bien, un petit match un samedi soir. Là. Surtout qu'il n'y a pas de Canadien. Ouais, c'est ça, exactement. Surtout qu'il n'y a pas de Canadien à cause de la COVID, encore une fois. Fait que... Exactement. Donc, les Colts essaient de... Ben, ils s'accrochent en ce moment au 6e rang pour participer aux éliminatoires. Donc, ça va être vraiment intéressant. C'est Indianapolis. C'est tellement drôle, Danny, parce que c'était quand même une certaine rivalité, les Pats et les Colts. Brady, Manning dans le temps. Ouais. Et là, on a un Mac Jones, un jeune... il m'impressionne vraiment, là. Ben, il me fait passer beaucoup à Brady. C'est ouais. Le système de jeu, c'est ça. Ouais, c'est le même style de corps. C'est pas le corps le plus... qui a le bras le plus puissant. C'est pas le corps également qui a le bras le plus... le plus précis. C'est pas le plus mobile, mais il est intelligent. Puis ça apparemment que son éthique de travail est vraiment excellente, au même titre que Tom Brady. Ben, c'est comme, Danny, c'est comme on dit, tu sais, il faut jouer simple, tu sais, il faut exécuter des jeux simples, c'est ça, là. Mac Jones, c'est ça, là. Il est précis, joue des jeux simples, c'est rien de compliqué. Comme tu dis, une éthique, il a quand même une tête sur ses épaules, là, mais tu sais, c'est rien de compliqué pour les Pats. Puis, c'est sûr qu'ils ont une excellente défensive, les Pats. Je pense depuis la semaine 7, ils sont prêts. Attaque de bonnes défensives, c'est la recette de Bill Belichick. Ouais. C'est du football de décembre et janvier. Là. Le meilleur match, en fait, de la semaine, ça se trouve à être Green Bay-Baltimore. Mais le match, c'est pas le match le plus important dans ma tête à moi. C'est le match entre Cincinnati et Denver par la suite. Oui, c'est dans ma liste là, parce que moi, mon ordre est vraiment chamboulé à cause de ce qui se passe avec les blessures, tout ça. Parce que Green Bay-Baltimore, en passant, pour les gens qui nous écoutent, là, ça se peut. Jackson est incertain. Fait que ça se peut qu'il jouera même pas parce qu'il y a une Non, il y a une entorse à la cheville. Okay. Non, il y a une entorse à la cheville. il y a un mélange des deux, Danny, malheureusement. Okay. Puis, fait que c'est pour ça, mais Cincinnati-Denver, je l'ai. Deux équipes avec 7 victoires, 6 défaites. C'est jamais, dans le cas des Bengals, ce qui va arriver. C'est ouais, mais c'est une équipe, c'est ça, qui ont tellement bien commencé que là, c'est vraiment un pile ou face. C'est une jeune équipe. C'est là qu'on voit, c'est une équipe très imprévisible. Sauf que qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'il y en a plusieurs, les experts, les disent qu'ils n'ont pas vraiment confiance à la fin de saison pour les Bengals parce que justement, ils n'ont peut-être pas l'expérience, l'expérience pour ça. Donc, j'ai hâte de voir ça. Denver aussi, ça a été du up and down, comme on dit. Mais Cincinnati, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils ont une fiche de 4 victoires, 2 défaites à l'étranger. Ils sont un peu plus sérieux et plus performants à l'extérieur. Mais c'est quand même un beau match intéressant. C'est dans la vitrine des matchs de 16h demain après-midi. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un match à surveiller dans notre liste. Là. Et ben Green Bay-Baltimore, le match, en fait, le meilleur match pour le spectacle, mais c'est mon troisième. Oui, ben c'est à 13h en plus. C'est un match de début d'après-midi. Mais il est à 16h. Il n'a pas été changé à 16h. Ah, ça se peut, excuse-moi. Oui, t'as raison. Oui, c'est mes notes. Oui, c'est mes notes. Je m'excuse, les amis. Je m'excuse. C'est en fin d'après-midi. 16h25, donc, Green Bay, Baltimore. Exactement. Donc, mais les deux QB sont. Les deux corps arrière sont amachés, comme j'ai mentionné. On ne sait pas. Mais Danny, il faut quand même, avec tout ce que Rodgers a fait depuis le spectacle qu'il fait hors terrain, là, c'est quand même, je pense, l'équipe. C'est une des grosses équipes en ce moment dans la NFL, les Packers, là, parce que il est incroyable. On dirait que Aaron Rodgers voit le jeu au ralenti. Il reste 2 minutes, on peut y faire confiance. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Le match est à Baltimore, par exemple. Mais Green Bay, comme j'ai mentionné depuis 2-3 semaines, c'est une équipe qui ne va pas arrêter d'ici la fin de la saison parce que je pense qu'ils veulent absolument avoir l'avantage du terrain. Ils veulent finir premier pour finir leur saison au Lambeau avant de se rendre au Super Bowl. Mais Green Bay, là, pour moi, c'est dans le top 4, là, reste, aller au Super Bowl. Ça reste un avantage. Là. Si tu joues à Lambeau Field ça va être en janvier. Ben oui. Ça va pas mettre en février. Si tu... Wow. Non, en fin janvier. Ben, oui. fin janvier, parce que le Super Bowl est le 13 février. Ouais, fin janvier. Fait que, tu sais, dans le froid. Si tu affrontes Denver, si tu affrontes Arizona, il faut favoriser. Tu as l'avantage du terrain, il faut favoriser Packers. Trop de choses sont passées pour l'avantage du terrain, là, pour les Cards. Tu as 25 équipes qui sont encore. Qui ont une possibilité encore d'être d'insérer. Oui. C'est incroyable, hein? 25 équipes, c'est incroyable. Ouais, c'est une première. Non, c'est la troisième fois après. On est rendu 14 semaines. C'est la troisième fois depuis 90 qui a encore aucune équipe qui est assurée de participer. Excuse-moi. Et c'est une première fois, tu as raison. Il y a 21 équipes qui ont 6 victoires à 9 victoires. Donc, ça, c'est une première aussi après 14 semaines. Ouais. C'est, tout est possible. Et là. C'est ça qui est malheureux. Il y a les blessures. Là, en ce moment, il y a les COVID aussi. Mais pour les fans des Browns, là, je vais vous le dire, là, s'ils ne font pas les séries, ils ne blâment pas le COVID, par exemple. Parce que c'est une équipe qui a été vraiment up and down. Là. Il y a des équipes qui sont peut-être un peu plus malchanceuses, là, mais il y en a d'autres qu'il va falloir qu'ils se décident. Là, mais les Browns, lundi soir, on risque d'avoir le troisième quart arrière. Puis on ne sait pas c'est qui. Ils ont signé Garrett Gilbert, là, je pense. Là. incroyable, là. C'est incroyable. Tony, gros merci. On se reparle vendredi prochain. On s'en reparle. C'est un 24, c'est quoi? On se voit pendant les fêtes? Ouais. OK, parfait. On va acheter d'une journée la chronique et par la suite, ben, il y a la revue de l'année aussi. Parfait. Joyeuse fête, tout le monde. Tony Gouzeau.